il fait beau, je mets mon bob et de la pommade sur mon nez. Ma petite sœur, sa jolie robe, car elle adore se promener. On va encore aller marcher et prendre des coups de soleil. Moi je préfère le VTT. Quand je suis seul, c'est pas pareil. Il est à prévoir pour demain matin une nette amélioration. En effet, la moitié sud profite à nouveau de l'anticyclone des Açores et vivra une belle journée d'été. Le ciel est gris, il va pleuvoir. On doit rester à la maison. Je m'en fiche, moi j'ai des tas d'histoires. À inventer, c'est ma passion. Et puis juste après le goûter, il existe un jeu très marrant, idéal quand on est coincé, c'est de faire damner les parents. Au nord de la Loire, c'est un temps orageux qui prévaudra jusqu'au milieu de la semaine, puisque la dépression qui se trouvait sur l'Angleterre s'est déplacée, amenant avec elle son flot de nuages. On était parti plein d'espoir, le réveil avait sonné tôt, après la pluie vient le brouillard. On n'a rien vu, mais c'était beau. Papa a lu le guide Michelin. Maman a pris des cartes postales. On reviendra, ça c'est certain. C'était une sortie peu banale. Les températures matinales, fraîches sur toute la France, seront au-dessus des normes saisonnières dans l'après-midi. Il fera plus de 35 degrés de Bordeaux à Perpignan, 25 à Paris et 30 à Strasbourg. Depuis hier, il fait très froid. Avec nos shorts, on est transi. La météo, encore une fois, c'est trompé, le temps est pourri. On n'aurait pas dû se moquer au moment de faire les bagages de maman qui nous répétait: prenez vos pulls, ce serait plus sage. Les tramontanes souffleront sur la Méditerranée en début de soirée. Demain, nous fêterons les glinglins et nous aurons 4 minutes, je dis bien 4 minutes de soleil en moins. Soleil.